pluridisciplinarité au CNRS. C'est vraiment quelque chose qui a été développé de façon très, très, très forte aussi depuis un certain nombre d'années. Un certain nombre de sujets ne peuvent en effet être traités que par cette collaboration des différents champs. Et bien sûr, le droit. Et du coup, oui, c'est triple casquette, puisque je suis aussi membre de l'Institut des sciences juridiques et philosophiques de Paris 1, puisque les philosophes s'y sont récemment intégrés. C'est évidemment extrêmement important que ces questions soient abordées de cette façon et donc que le droit soit en réalité la discipline phare de réflexion sur les conséquences donc de cette mise en avant du changement climatique, que ce soit donc le droit comme devant se transformer, hein, évoluer par rapport donc à cette réalité du changement climatique. Et c'est évidemment un premier point très important que vous allez aborder, comment en fait le droit est repensé, reconstitué à partir de ce paradigme du changement climatique. Mais je crois qu'il y a aussi, dans une période où donc les chercheurs sont de plus en plus engagés à agir aussi directement sur la société, je crois qu'il y a aussi bien sûr une action du droit lui-même, le droit en effet du droit sur les politiques et donc l'action sur le changement climatique. Donc je crois que là il y a une double, il y a vraiment une double importance, un double enjeu de ce colloque. Je pense que quand tu l'as programmé, Martha, tu ne pensais pas par exemple que le président américain allait s'en prendre. Donc finalement c'est extrêmement approprié, hein. J'ai vu ce matin les informations là-dessus, hein. Donc je pense que sur ce point-là il y a une véritable actualité, mais moins immédiatement, hein. Je crois qu'il y a un vrai enjeu maintenant politique autour du changement climatique et que le droit est évidemment à même de traiter, d'organiser et de concevoir donc de façon peut-être la plus crédible, la plus efficace. Donc il y a un enjeu pour nous à bien des titres extrêmement fort. Et par ailleurs, je crois que cet engagement en fait de la recherche dans des causes comme celle-là, qui a été très, très visible au moment de la COP21, puisque c'est vrai que c'était quand même un moment assez, assez exceptionnel, où on s'est fondé en fait sur la recherche, hein, alors, en réalité, pour prendre des décisions. C'est là qu'on voit aussi que c'est déjà très bien de pouvoir se fonder sur la recherche pour prendre des décisions, mais évidemment, il faut aussi pouvoir passer de la décision à l'action, ce qui est un grand problème pour les philosophes, hein, mais dont on voit qu'en réalité, c'est aussi un chaînon qui peut manquer dans certaines circonstances. Je crois que de toute façon, c'est vraiment l'union des différents champs de recherche, des différentes disciplines, hein, donc cette interdisciplinarité qui permet en réalité d'arriver de façon crédible et concrète à l'action, et que ce soit donc l'impact sur les politiques publiques, les changements dans les comportements tout simplement la prise de conscience globale. Donc voilà, je suis aussi extrêmement contente que ce colloque ait lieu dans le cadre d'un projet qu'on soutient beaucoup, hein, donc, qui est ce réseau, hein, donc sur droit et changement climatique que porte Martha. Donc je crois qu'il y a absolument besoin aussi d'une structure de ce type-là. Et évidemment, nous encourageons très fortement ce type de structure fédérative. Hein. C'est vrai que dans une période où on a vraiment une sorte de reconstitution, de division de l'espace, la recherche, en particulier parisien, entre des structures et des sites qui vont devenir assez étanches, tout ce qui est de l'ordre de la fédération, du réseau, de ce qui est donc national, est évidemment extrêmement, extrêmement important. Donc là aussi, voilà, c'est un enjeu peut-être plus institutionnel, mais qui n'en est pas moins important. Et donc, je vous remercie tous beaucoup à tous ces titres. Et je redonne la parole à Martin en vous souhaitant un très bon colloque. Merci beaucoup Sandra, tu as très très bien introduit ce colloque. Bon, merci. c'était très très bien fait. Du coup, je vais pas m'attarder sur l'introduction. Alors tout d'abord, je voulais quand même remercier toutes les personnes qui ont rendu possible cette journée, ce colloque. Donc, toutes les personnes évidemment du réseau, plus particulièrement le comité scientifique, les doctorants, tout le monde a beaucoup aidé, et bien évidemment tout le personnel de l'université, de notre UMR, Sophie Guy, Raphaël Petersen, des Paris 13 qui ont également contribué à l'organisation et à mise en musique de cette journée. La journée, effectivement, elle se divise en deux parties. La première traite sur les mutations, c'est-à-dire qu'est-ce qui change dans le droit par rapport à ce phénomène du changement climatique, quels changements vont être induits. La deuxième partie, c'est renouveler le droit, c'est-à-dire quelle force en fait propositionnelle on peut avoir, qu'est-ce que on peut en fait proposer, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le droit, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut conserver. Donc ces deux parties, elles correspondent exactement aux réflexions qu'on a menées pendant toute cette année au sein du réseau. Et bien évidemment, on va publier les actes très rapidement, c'est déjà en préparation. Donc je remercie beaucoup d'avance tous les intervenants qui ont bien joué le jeu, qui ont bien rendu à temps leurs pre-readings et qui vont les rendre encore plus complets dans les deux mois à venir. Voilà, et sans plus tarder, je passe la parole à Christelle qui va dire aussi quelques mots sur l'organisation matérielle de la journée. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ça y est. J'éteins, sinon ça fait des... Bonjour à tous, effectivement, je me réjouis de voir autant des universitaires, des chercheurs, des membres de la société civile, des avocats et des jeunes doctorants prometteurs sur ces questions de changement climatique. Je voulais particulièrement remercier, bien sûr, Paris 13, mon laboratoire, Sandrine Caron, Claudine Moutardier, qui ont assuré la gestion logistique toujours avec perfection sur le logement, les transports, et surtout la structure fédérative de Paris 13 qui met de l'argent maintenant depuis 3 ans sur ces projets liés au changement climatique. C'est une structure, la structure fédérative sur le développement durable. Et donc, sur ce territoire... particulièrement sinistré du 93, c'est important qu'il y ait du financement sur ce type de projet. Bien sûr, Paris 1, l'Université de Grenoble aussi qui a financé la mission GIP Justice, le service de com de Paris 13 qui a réalisé une jolie affiche et le haut patronage de la Société française pour le droit de l'environnement avec bien sûr Agnès qui a la lourde tâche de faire des conclusions tout à l'heure. Alors juste pour les intervenants et peut-être plus particulièrement pour les présidents de session, j'assisterai peut-être sur la gestion du temps le plus important. On a un programme chargé, peut-être trop ambitieux pour le temps imparti, donc du coup respecter autant que faire se peut les 15 à 20 minutes maximum par communicant. Je signale aussi que le colloque va être enregistré. On n'a pas fait passer de formulaire d'autorisation d'enregistrement audio et vidéo. S'il y a des personnes à la salle qui ne souhaitent pas être enregistrées ou filmées, merci de vous signaler. On fera le nécessaire pour valider les autorisations sur le plan administratif. Martha, tu le disais, le colloque fera l'objet d'une publication très bientôt, j'espère avant la COP23. J'encourage bien sûr tous les participants à s'inscrire au réseau sur Internet. Il y a la marche à suivre pour ceux qui ne sont pas déjà inscrits. On peut trouver le nouveau site du réseau sur le site donc le carnet hypothèse. C'est le site climat, réseau droit et climat. Je vous remercie à tous et je vous souhaite un bon colloque. Merci.